De l'huile dans les rouages sur Fadjet. Et nous nous retrouvons dans la chronique de l'huile dans les rouages et surtout nous retrouvons Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour Yves. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Très très bien et d'autant plus qu'on va encore apprendre plein de choses avec toi. La dernière fois, tu nous as parlé de météo intérieure. Oui. Particulièrement chez les enfants. Oui. Et la suite logique, eh bien, c'était l'écoute active. Qu'est-ce que c'est que l'écoute active ? Alors, l'écoute active, c'est une technique d'écoute assez spécifique qui aide à baisser considérablement l'intensité émotionnelle chez notre interlocuteur. Donc, on va l'aider à clarifier ce qui se passe en lui. C'est en ça qu'on est actif. Et c'est la version tournée vers l'autre de l'auto-empathie. L'écoute active, ça consiste à trois choses importantes. La première, c'est d'être vraiment présent à son interlocuteur par sa posture, son regard, son attention. Et il va falloir être très vigilant à ne pas chercher à répondre à l'autre ou à lui proposer des solutions. S'il est en tempête émotionnelle, forte colère, forte tristesse, même forte joie, euphorie. Donc là, c'est super important la présence. Et ensuite, on va émettre des hypothèses sur ses émotions. Est-ce que ça t'a rendu triste que ton copain refuse de jouer avec toi ? Est-ce que t'es plutôt en colère ? Et donc ça, ça va l'aider à clarifier ce qu'il ressent. Il va vous dire à l'enfant ou la personne en face de vous, plutôt oui, plutôt non. Et il va aller dire, bah non, en fait, je suis pas triste ou je suis pas en colère. Et cette clarification-là, ça va faire baisser considérablement le niveau de tension. La vigilance aussi, quand on fait ça, c'est aussi pas de jugement sur la personne. Oh, bah, t'as pas besoin d'avoir peur, c'est pas grave, ça. Ça invalide ce que l'autre ressent. C'est vraiment, on est dans une posture d'accueil, on l'écoute et on lui propose des choses. On n'est pas en train d'enquêter, mais pourquoi t'es triste? On n'est pas en train de dire, oh, bah, moi, à ta place, je ferais ci, je ferais ça. C'est vraiment un travail de présence et d'aide à la clarification. Et ça, c'est pas facile quand même, hein, de ne pas être dans le conseil direct, d'avoir tout de suite des réponses. Ouais, ça, c'est vraiment souvent un automatisme qu'on a quand on voit quelqu'un qui va pas bien, de vouloir lui proposer des solutions. Et j'en parlerai dans une rubrique plus tard, ça s'appelle les messages risqués. C'est des postures qu'on a tendance à avoir, être dans le conseil, proposer des solutions, parler de soi, être dans l'humour, ben c'est risqué. C'est pas interdit, mais c'est risqué. Quand quelqu'un a une émotion très forte, ce qui l'aide vraiment à redescendre, c'est de se sentir accueilli dans ce qu'il ressent et de l'aider à clarifier. Et donc, on est actif parce qu'on va proposer des choses. Et si on se trompe, c'est pas grave, l'autre, il va cheminer et il va nous dire « non, c'est plutôt ça ». Et si c'est ça, il va dire « ah oui ». Et vous allez voir en face comment il est soulagé, vous allez voir comment la tension dans la respiration, dans le corps, vous allez voir, ça descend. Ça amène l'autre à trouver ses propres solutions. Oui, et en fait, le simple fait de trouver ce qu'on ressent, déjà on descend et on peut passer à la deuxième étape si on est en ceinture jaune, communication non violente. On peut passer à émettre des hypothèses sur ses besoins. On peut lui proposer, ben là, tu aurais eu besoin de partage avec ton copain parce qu'on a, plutôt on a dit, il était peut-être triste. Donc s'il est triste, peut-être qu'il avait besoin de partage, t'avais besoin de complicité, t'avais besoin de participer. Et là, ça va encore plus soulager la personne parce qu'il se sent vraiment reconnu. Et il va dire, ah oui, c'est ça, oui, j'avais besoin de partage. On ne va pas lui dire, t'as qu'à aller discuter avec ton copain. On va juste mettre des mots et clarifier les choses. Et rien que ça, ça peut suffire à descendre les tensions et à faire passer à autre chose, en fait. Et à mieux gérer sa frustration. Oui, c'est un super bon outil. Vous êtes un parent, vous êtes dans un magasin, votre enfant est en train de faire l'étoile de mer par terre parce qu'il n'a pas ce qu'il voulait. Eh bien, vous pouvez lui dire, ah, tu es frustré, tu es déçu que je ne t'achète pas ce jouet. Et l'enfant, il va dire, oui, tu aurais eu besoin de jouer, tu aurais eu besoin de ça. Pour autant, on reste dans sa posture de parent. Ben, c'est vrai, ce jouet, tu ne l'auras pas. Ça ne veut pas dire qu'on cède, mais on va l'accompagner dans la régulation de son émotion. Et donc, quand on fait de l'écoute active, c'est être présent, émettre une hypothèse, pas de la certitude. Ah oui, t'es triste. Non, c'est est-ce que t'es triste? C'est lui qui valide. Il n'y a que la personne en face qui sait ce qu'elle ressent et éventuellement aller jusqu'au besoin. On peut aussi imaginer des fois être tout de suite dans le besoin. Si quelqu'un, vous prenez un café avec un collègue et que vous voyez qu'il est super agacé, qu'il tourne en boucle sur le même sujet, t'as besoin de clarification avec ton collègue, t'as besoin de reconnaissance. Des fois, vous pouvez aller direct dans le besoin et ça soulage. Et après, la personne, elle va cheminer toute seule vers juste laisser décanter la situation, trouver une solution. Mais déjà là, on va pas prendre sa place, on va pas lui faire supposer qu'on sait mieux qu'elle ce qu'il faut faire. On va juste reconnaître que c'est ok qu'elle se sente comme ça, c'est ok, elle a le droit d'avoir besoin de ça. Merci Noémie, on en sait plus sur l'écoute active grâce à toi. Avec plaisir.